إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بعثه على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على أهل الأرض طاعته فكان صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكان بشرى أخيه عيسى ابن مريم حين قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكان رؤيا أمه حين رأت في المنام قبل ولادته أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ولقد تحققت فيه هذه الصفات الثلاث فكان إجابة لدعوة الخليل ومصداقا لبشارة المسيح وتعبيرا لرؤيا أمه فقد جعله الله سراجا منيرا استنارت به الأرض بعد ظلمتها واهتدت به البشرية بعد حيرتها فكان النعمة العظمى والمنحة الكبرى التي تفضل الله بها على خلقه لقد ولد صلى الله عليه وسلم بمكة المشرفة عام الفيل في شهر الربيع الأول وهو العام الذي أغار فيه ملك الحبشة على الكعبة ويريد هدمها فصده الله عنها وأنزل به وبجيشه أعظم عقوبة كما ذكر الله في كتابه العزيز فكان في ذلك حماية للبيت الحرام وإرهاصا لبعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام شب صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة وبعثه الله برسالته على رأس الأربعين من عمره فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء فأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم صفاءها وضياءها وأماط عنها ما علق بها من أوضار الجاهلية وضلالتها وجمع الله به الأمة بعد شتاتها ثم ألحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام عباد الله وإن واجبنا نحو هذه النعمة العظيمة أن نشكر الله عليها بالتمسك بها والجهاد في سبيلها والمحافظة عليها وذلك باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا لأن الخير كل الخير في اتباعه وطاعته. يقول تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه وترك ما نهى عنه. فمتابعة هذا الرسول تتحقق بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فكل عمل من أعمال العبادة يجب أن يكون موافقا لما شرعه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وما لم يشرعه فهو بدعة مردودة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، والبدع التي أحدثها الجاهلون والمغرضون كثيرة، ومنها ما يتكرر كل عام في شهر الربيع الأول من إقامة المحافل بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما سموا ذلك بعيد المولد الشريف. وهذا الاحتفال أو هذا العيد بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبع أصحابها ومروجوها إلا الظن وما تهوى الأنفس فهو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يكن من سنته، ولم يفعله أصحابه ولا التابعون ولا من تبعهم بإحسان وهم أسبق الناس إلى الخير، ولم يفعل ذلك في القرون المفضلة، وإنما حدث فعله في القرن السادس للهجرة تقليدا للنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنصارى، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الاحتفال بدعة وتشبه بالكفار. وأضف إلى ذلك ما يجري فيه من المنكرات التي أعظمها الشرك الأكبر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحاجات منه وتفريج الكروبات منه وإنشاد الأشعار الشركية بمدحه التي فيها الغلو، نسأل الله العافية. وهذا يحصل في هذا الاحتفال اختلاط النساء بالرجال مما يغري بفعل الفواحش، ومع ما ينفق في هذه الاحتفالات من أموال من أناس ربما لا يؤدون الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هم في الغالب لا يعملون بسنته ولا يحكمون بشريعته، بل ربما لا يصلون الصلوات الخمس وهي عمود الإسلام، نسأل الله السلام. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم ينوه في القرآن بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نوه ببعثته صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم هي التي تحققت بها المنة الربانية. ومنذ بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وكل لحظة من حياته الطيبة نعمة على البشرية، فكل حياته بعد البعثة عبادة وجهاد ونفع للمسلمين، لا يختص ذلك بيوم معين من حياته. فيجب على المسلمين الاقتداء به والعمل بشرعه في جميع الأيام والساعات لا في يوم معين. ولا في شهر معين. وإذا قصد وإذا كان قصد هؤلاء المحتفلين بيوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم إحياء ذكره والتنويه بشرفه صلى الله عليه وسلم وتذكر سيرته كما يقولون، فهذا مشروع للمسلم في كل وقت حسب ما شرعه الله. فالله قد رفع لنبيه ذكره في مناسبات تتكرر في اليوم والليلة كالآذان والإقامة والخطب. فإذا ذكر الله في هذه المواطن ذكر بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكرر هذا في اليوم والليلة أبدى الدهر، لا في يوم معين في السنة، بل لا تصح صلاة فرض أو نافلة بدون الصلاة عليه في التشهد الأخير عند جمع من العلماء. وهذا ما شرعه الله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب إحياؤه والعمل به وترك ما شرعه الناس من البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que parmi les plus grandes grâces que Allah Azza wa Jal a fait à l'humanité et aux habitants de la terre, c'est d'avoir suscité parmi eux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et des messagers. Et il l'a envoyé après une longue période d'absence, c'est-à-dire il y avait eu une longue période entre lui et le prophète précédent, Isa alayhi salam, presque 600 ans sans révélation. Allah Azza wa Jal l'a envoyé et c'est une réponse à l'invocation de son père Ibrahim alayhi salam lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal en disant: ô notre Seigneur, suscite parmi eux un messager de parmi eux qui leur récite tes versets et qui leur enseigne le livre et la sagesse, et qui les purifie. Et certes, tu es le puissant et le sage. Et c'est également l'annonce que son frère, le prophète Isa alayhi salam, le fils de Marie, a fait lorsqu'il a dit au fils d'Israël: je suis pour vous un messager d'Allah qui vient confirmer ce qui a été révélé auparavant de la Torah et qui annonce la venue d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Et donc c'est la conclusion et la concrétisation de ces invocations qui se sont réalisées par la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal en a fait une lanterne qui éclaire la terre après avoir était noyé dans les ténèbres, et qui a guidé l'humanité après avoir été perdu dans l'égarement et la confusion. C'est donc la plus grande grâce que Allah Azza wa Jal ait pu faire à l'humanité. Il est né à Mecca, alayhi salatu wassalam, Amul Fil, l'année de l'éléphant. Et pourquoi on l'appelle l'année de l'éléphant? C'est parce que cette année-là, le roi de l'Éthiopie avait envoyé une armée pour détruire la Kaaba. Et il y avait avec eux un éléphant qui avait pour but de détruire la Kaaba. Mais Allah Azza wa Jal a arrêté l'armée et les a tous anéantis, comme cela est mentionné dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi avec la noblesse de comportement et la noblesse de caractère. Allah Azza wa Jal, à l'âge de 40 ans, lui a envoyé la révélation. Et à partir de ses 40 ans, il est devenu le messager d'Allah et le prophète. Il a transmis le message que Allah lui avait confié et il a rendu le dépôt que Allah lui avait confié. Et il a été sincère envers la Ummah et il a lutté dans l'agrément d'Allah d'une lutte sincère et véridique jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait complété la révélation le jour où lui a révélé le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous laisse sur une voie claire et éclatante. » Il a fait revenir la religion pure d'Abraham, le pur monothéisme de l'islam et l'adoration exclusive d'Allah et le combat et le rejet de l'idolâtrie et des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors du Créateur de l'univers. Et il a rejeté et réfuté toutes les formes d'ignorance et d'égarement de la jahiliya. Et il a uni les hommes sur la vérité jusqu'à ce qu'il retourne à son Créateur et à son Seigneur, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Et donc, serviteurs d'Allah, sachez que notre obligation vis-à-vis de cette grande grâce que Allah nous a faite en nous envoyant ce messager, ce noble messager, eh bien, c'est d'être reconnaissant envers cette grâce, en nous accrochant à sa guidance et en luttant dans son sentier et en préservant cette grâce qu'il nous a faite, en nous accrochant à sa religion et en suivant l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et en faisant ce qu'il nous a commandé de faire et en délaissant ce qu'il nous a interdit et de l'aimer plus qu'on s'aime soi-même et plus qu'on aime nos enfants et plus qu'on aime nos parents. Parce que tout le bien qu'on peut posséder, eh bien c'est uniquement parce qu'on l'a suivi et dans son obéissance. Et Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie dans le Coran, quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc l'obéissance du messager, c'est une obéissance à Allah en réalité. Et il dit également ce qui signifie, dit ô Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et ça, c'est le verset du test. Quiconque prétend aimer Allah Azza wa Jal, et contredit en même temps le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou fait des innovations et des bid'ahs, en adorant Allah azza wa jal, en faisant des choses qui n'ont pas été en accord avec la révélation dans le Coran et dans la Sunna, et qui inventent des pratiques religieuses qui ne font pas partie de l'islam, eh bien ça c'est la preuve qu'il n'aime pas réellement Allah. Puisque s'il aimait réellement Allah, il aurait suivi le messager. Comme Allah Azza wa Jal le dit. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah, il dit, dit au Muhammad, dis-leur, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Également, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de répondre à l'appel du messager. Et il dit, et s'ils ne te répondent pas, alors sache que c'est uniquement parce qu'ils suivent leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance de la part d'Allah? Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle implique son obéissance. Et elle implique également de suivre sa guidance. Et elle implique également de délaisser ce qu'il a interdit. Et bien entendu, de ne pas faire d'innovation, de ne pas faire de bid'ah. Et le fait de suivre ce messager et de lui obéir et de s'abstenir de ce qu'il a interdit, eh bien, ça c'est le cœur et la base même de la réalité de l'obéissance. C'est pas de faire des chants, de chanter des poèmes et de danser et de sauter, comme ce que vous voyez dans les églises des chrétiens. Ils se réunissent et ils commencent à faire de la musique avec des instruments de musique et ils chantent le nom de Jésus pendant des heures. Et ils pensent qu'en chantant de cette façon, ils ont satisfait leur Créateur, ils ont satisfait Allah Et ils pensent que Isa alayhi salam, Jésus, est content de ça. Alors qu'au contraire, ils ne font qu'attirer sur eux-mêmes la malédiction d'Allah et encourir la colère du Créateur. Et en même temps également, Isa alayhi salam, qui se désavoue d'eux et qui les renie pour ces innovations qu'ils font et ces pratiques qu'ils font que Isa alayhi salam lui-même n'a jamais faites. Et que Isa lui-même, alayhi salam, n'a jamais ordonné, ni commandé, ni légiféré. Et s'il les verrait aujourd'hui, et s'il descendait aujourd'hui, Isa alayhi salam, et qu'il les verrait en train de faire ces choses-là, ils seraient les premiers à les maudire, et à mentionner sur eux la malédiction d'Allah, pour avoir contredit tous les principes et les fondements de la religion, et pour avoir fait le shirk, en adorant sa personne, c'est-à-dire en adorant Isa alayhi salam au lieu du Créateur, Allah Azza wa Jal, et pour avoir adoré sa mère, Maryam, et fait du shirk avec elle, en l'adorant en dehors d'Allah Azza wa Jal, et pour avoir innové et inventé dans la religion d'Allah toutes sortes de pratiques et de célébrations et de rites qui n'ont rien à voir avec ce que Allah Azza wa Jal a révélé. Jusqu'à ce qu'ils inventent ce qu'on appelle aujourd'hui la fête de Noël. Et que certains musulmans ont voulu copier en inventant ce qu'on appelle le Mawlid al-Nabawi. Beaucoup de bid'a qui existent aujourd'hui parmi les musulmans, leur origine, c'est dans l'imitation des chrétiens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait averti les musulmans justement de ne pas les imiter. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Ne me glorifiez pas de façon exagérée comme les chrétiens ont glorifié Isa alayhi salam de façon exagérée. Et c'est ce qui est arrivé avec les chrétiens qui ont glorifié Isa à un tel point qu'ils en ont fait une divinité, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils en ont même fait le fils du Créateur, alors que Allah n'a pas de fils, n'a pas d'enfant. Subhanah. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadhu quboura anbiya'ihim masajid » Que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup de mosquées dans les pays musulmans construites sur des tombes. Et les gens vont au lieu d'y aller pour adorer Allah, c'est-à-dire d'aller dans les mosquées où il n'y a pas de tombe, eh bien, beaucoup d'entre les musulmans font des voyages, même exprès, pour aller visiter certaines tombes. Parce qu'elles sont des lieux de pèlerinage, sont devenus des lieux de pèlerinage pour eux. Et ils vont faire des voyages pour aller dans ces mosquées dans lesquelles il y a des tombes, pour faire du shirk avec Allah Azza wa Jal. Donc ils ont imité les chrétiens dans ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ » ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas, main à main, exemple, à chaque fois qu'ils font un pas, vous allez les suivre jusqu'à ce que lorsqu'ils rentrent dans un trou de lézard, eh bien, vous allez vouloir les suivre dedans aussi. Et les sahabes ont dit, de qui tu parles au messager d'Allah? Est-ce que c'est les juifs et les chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Tout ça pour avertir les musulmans de ne pas imiter les juifs et les chrétiens parce qu'ils se sont égarés avant nous. Et certains se disent parmi les musulmans, puisqu'ils ont reçu le livre avant nous, ils ont plus de connaissances que nous. Or, Allah Azza wa Jal, il nous a révélé le Coran, il nous a parlé des juifs et des chrétiens, non pas pour qu'on les prenne comme exemple, mais pour qu'on évite leurs erreurs, et pour qu'on évite de s'égarer comme eux se sont égarés avant nous. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous a mis en garde de ne pas leur ressembler, et de ne pas les suivre, et de ne pas les imiter. Parce que ce sont des mardoub alayhim. C'est des gens qui ont encouru la colère d'Allah. Wahumud dalloun. Et ce sont des égarés. Et c'est pas pour rien que dans Surat al-Fatiha, dans chaque rak'ah, dans la salat, on invoque Allah pour éviter de ressembler aux juifs et aux chrétiens. On dit ghayril maghdoubi alayhim wa ladhdallin. Dans chaque rak'ah, dans chaque salat qu'on fait 5 fois par jour, dans chaque rak'ah, on invoque Allah pour nous dire, guide-nous sur le droit chemin et non pas le chemin des juifs et non pas le chemin des chrétiens. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah parce qu'ils ont la connaissance mais qu'ils ne l'ont pas appliquée, et ceux qui se sont égarés parce qu'ils n'ont pas de science et ils adorent Allah avec des bid'ahs et des égarements. Eh bien, on retrouve parmi la Ummah des gens qui ont une ressemblance aux juifs, et on retrouve parmi la Ummah des gens qui ont une ressemblance avec An-Nasara, avec les chrétiens. Parce qu'ils adorent Allah avec l'ignorance et qu'ils font des innovations et des bid'ahs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Peu importe la pratique que tu fais. Même si tu fais des efforts pour la faire, cette pratique, et que tu penses que tu vas avoir beaucoup de récompenses pour cette pratique, si elle n'est pas légiférée, s'il n'y a pas un verset, s'il n'y a pas un hadith authentique à son sujet qui la justifie, eh bien Allah ne l'acceptera pas, peu importe ton intention. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, c'est là, les sahaba, il leur a dit, prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans, si tu leur dis, ça c'est bid'a, ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, et ils ne comprennent pas le danger que ça implique. Mais si tu leur dis, ça c'est haram, ils comprennent. Ils comprennent que ça veut dire, ça c'est interdit. Mais sachez que la bid'a, elle est plus dangereuse. Et elle est plus haram que le haram et que les kaba'ir. Parce que dans la bid'a, il y a le fait de légiférer dans la religion d'Allah. C'est-à-dire, de légiférer, tu inventes des règles religieuses. Tu inventes des adorations que Allah n'a pas légiféré, n'a pas ordonné. C'est comme si en même temps, tu impliquerais que la religion d'Allah n'avait pas été complétée par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme si tu es en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi sa mission et de ne pas avoir complété le message qu'on lui a envoyé. Et il y a certains égarés parmi les gens qui se pensent drôles et qui essaient de se moquer des gens de la sunna lorsqu'on leur mentionne le danger des bid'ah, et qui disent, oui, vous, si vous êtes contre les bid'ah, alors dans ce cas-là, pourquoi vous utilisez des ordinateurs, et pourquoi vous utilisez des avions, et pourquoi vous avez une voiture, et pourquoi vous utilisez l'électricité, et pourquoi vous utilisez ces choses-là, c'est des innovations. Oui, ça c'est des innovations, c'est vrai, mais c'est des innovations dans les affaires de la dunya. C'est des bid'a dans le sens lourawi, comme les ulama disent, dans les questions qui sont reliées à des affaires mondaines. Et parmi ces innovations-là, selon l'utilisation que tu en fais, eh bien ça peut être halal comme ça peut être haram. Tout dépend qu'est-ce que tu fais avec. Une arme, un fusil, tu peux l'utiliser. Tu peux faire du bien avec ou tu peux faire du mal avec. Si tu fais du bien avec, et si tu l'utilises dans les limites de qu'est-ce qui est permis, alors c'est halal. Mais si tu l'utilises pour tuer, puis pour faire de l'injustice, et pour faire du mal aux gens, alors là, ça devient haram. Ça, c'est pour les choses de la dunya. Mais al-ibadat, c'est différent. Les adorations, tu n'as pas le droit d'adorer Allah, excepté s'il y a une preuve pour justifier cette adoration-là. Que Allah l'a permis, que Allah l'a ordonné ou l'a encouragé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, la même chose. Tandis que les affaires de la dunya, tout est halal. Al-aslu fil umur al-ibaha. La règle de base dans les affaires de la dunya, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un dalil dans le Coran et dans la sunna pour prouver que c'est haram. S'il n'y a pas de preuve que c'est haram, alors là-bas, c'est que c'est halal. Mais dans les affaires religieuses, c'est le contraire. S'il n'y a pas un dalil pour le prouver ou pour le supporter, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le pratiquer. Même si, dans certains pays musulmans, cette fête est considérée comme un jour férié et que c'est devenu une coutume et une pratique qui est pratiquée par la population tout entière. Et aujourd'hui, tu le vois sur Internet et tu le vois dans les réseaux sociaux. Des gens s'échangent des photos. Il y en a qui font des gâteaux d'anniversaire écrit « Mawlid al-Nabawi » dessus. Et ils inventent tout. Même il y en a qui font des sapins de Noël, soi-disant du Mawlid al-Nabawi. Ils imitent les chrétiens sur toutes les coutures. Chaque exemple, chaque égarement que les juifs et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des musulmans qui veulent les imiter. Donc il faut être averti à ce sujet-là. Et c'est pas parce que les gens dans ton pays ils le font que ça veut dire que c'est légiféré. La référence pour nous, c'est pas nos coutumes et les coutumes de notre pays. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est « قال الله, قال رسول الله, قال الصحابة ». C'est ça la voix d'Allah et c'est ça la religion d'Allah. « أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم